Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. 28 août 2019, il y a de cela 19 ans, jour pour jour, que les Burundais ont scellé la paix et la réconciliation à travers la signature d'un accord à Arusha en Tanzanie. Un témoin privilégié de cet événement, l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, estime que ces accords ont apporté des solutions aux questions d'exclusion régionale et ethnique. Vous l'entendrez. Et le gouverneur Ngozi donne un délai d'une semaine à ses subalternes pour assainir la situation politique dans les entités administratives sous leur autorité. Et puis un incendie s'est produit ce matin dans la compagnie de gérance de Kotola Kogerko sans faire trop de dégâts. Et les députés ont exprimé leur vive préoccupation à la question de salubrité dans les zones urbaines. Ils l'ont dit au ministre de la Santé lors des questions orales hier à l'Assemblée nationale. Voilà pour les grands titres. Les jeunes affiliés à différents partis politiques devraient se rappeler qu'après les élections, le pays continue à avancer. Sans paix ni sécurité, ces jeunes n'auraient pas d'avenir. Le gouverneur de la province Cibitoke parle d'une cohabitation pacifique entre militants de partis politiques qui résulte de différentes réunions avec les responsables de ces formations politiques dans sa province. Maître Joseph Iterité Kasauveu, rassurant. La cohabitation des partis politiques dans notre province est bonne. Cela résulte des réunions organisées à l'intention aussi des représentants des différentes formations politiques. C'est un bon système qu'on a déjà implanté. Au cours de chaque mois, nous organisons une réunion à l'intention des représentants des partis politiques avec l'administration. C'est une bonne occasion. On échange sur toute la situation liée encore à la cohabitation des partis politiques. Si on trouve peut-être qu'il y a un défi, on essaie aussi de trouver une solution. État et ensemble avec les représentants des partis politiques. Je vous dis bien qu'à part ce programme, de tenir chaque fois au cours d'un mois une réunion à l'intention des représentants des partis politiques, même au niveau des communes, il est prévu des réunions organisées par les administrateurs à l'intention aussi des partis politiques, à l'intention même de la jeunesse et des partis politiques. Dans certaines communes, notamment Mugina, il y a eu des échauffourées entre les jeunes des partis CNL et CNDD-FDD. Il y a un message particulier envers ces jeunes pour qu'il n'y ait plus, disons, falsification des permanences et autres chicaneries politiques? Et depuis ce programme, je crois que cette situation ne s'est jamais présentée. Parce que, mine de rien, on lance un appel à cette jeunesse. Parce que c'est la jeunesse, je dirais aussi, qui est le Burundi d'aujourd'hui et de demain. Lors des réunions organisées à l'intention de cette jeunesse, on essaie aussi de montrer à la jeunesse qu'est-ce qui importe d'abord, voir comment sauvegarder la paix et la sécurité et privilégier aussi une bonne cohabitation. Il faut que toute la jeunesse sache que la mission principale est tout d'abord sauvegarder la paix et la sécurité et mener une bonne cohabitation. C'était le gouverneur de la province de Cibitoke, Maître Joseph Iteriteka. Et un délai d'une semaine est accordé aux responsables administratifs, policiers et représentants des partis politiques au niveau de la commune jusqu'à la colline pour vider tous les malentendus provoquant la confrontation entre les militants des partis politiques. Là, on est en Ngozi. Le gouverneur de cette province, Albert Nduimana, a donné cet ultimatum lors d'une réunion des responsables des services de sécurité et représentants des partis politiques. Réunion visant la mise en place des stratégies pouvant conduire à une bonne cohabitation en cette période préélectorale. Apollinaire Mozagara. Chacun des 12 partis politiques légalement reconnus en province Ngozi est appelé à donner un nom d'un de ses membres devront faire partie du comité mixte de sécurité de la commune jusqu'à la colline. Chaque formation politique qui n'aura pas fait son devoir dans telle commune ou sur telle colline n'aura pas droit d'y tenir une réunion. Décision prise ce mercredi lors d'une réunion tenue par le gouverneur de la province Ngozi à l'endroit des responsables de la police, administration, justice ainsi que représentants des partis politiques ici de 9 communes qu'à cette province. Une des stratégies de bonne cohabitation des fidèles des partis politiques arrêtés au terme de cette réunion. Albert Nduimana invite les administrateurs communaux et chefs de colline de faire de même jusqu'au plus tard mercredi de la semaine prochaine et de lui faire rapport. Cet ordre a été particulièrement donné aux communes Nyamurenza, Gashikanwa et Kiremba où des affrontements entre fidèles de ces partis politiques ont été déjà signalés. Les principales raisons poussant à ces affrontements sont, selon ces participants, l'installation des permanences de ces partis dans des endroits non convenus, la tenue des réunions illégales et des propos blessants l'une ou l'autre partie. acte. Le gouvernement de la province Ngozi conseille à cet effet la relecture et le respect de la loi pour tous, sans oublier la mise sur pied à tous les niveaux d'un organe de dialogue des représentants de ces formations politiques chaque fois que Dobez Ngozi apprenait Muzagara Radio Isangani. On parle maintenant des accords de paix d'Arusha qui ont été incorporés dans la constitution de la République du Burundi. C'est ce que fait remarquer le parti CNDD-FDD qui fait savoir que son parti accorde à ces accords une place de choix. C'est au moment où ce 28 août marque les 19 ans après la signature de ces accords qui ont permis le partage du pouvoir entre les politiciens burundais. Suivez Nancy Ninette Mutoni, porte-parole du CNDD-FDD. Nous nous réjouissons que ces accords ont été mis en œuvre par le parti CNDD-FDD, car les grandes dispositions, non seulement ils ont été versés dans la Constitution, mais aussi les commissions prévues par ces accords ont été mises en place quand le parti CNDD-FDD est au pouvoir. Quelle est la place que vous donnez à ces accords d'Arusha aujourd'hui au sein du CNDD-FDD comme parti au pouvoir? Le parti CNDD-FDD, d'abord, est un parti qui est respectueux des droits et qui met la priorité, ou je dirais, un accent particulier sur le respect de toutes les lois nationales. La loi suprême, je dirais, dans ce pays, c'est la Constitution. Et nous nous réjouissons que donc les dispositions qui étaient dans l'accord d'Arusha ont été versées dans la Constitution. Et puis donc, c'est un accord qui, de par l'histoire du pays, est important et nous le respectons à juste titre. Vous savez très bien que l'accord d'Arusha n'a pas mis fin à la guerre dans les accords de l'accord global de cessez-le-feu, signé le 7 novembre 2003, qui a mis fin à la guerre. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous respectons ces accords. Nous nous réjouissons que les grandes dispositions qui ont été issues du consensus ont été versées dans la Constitution. Nancy Ninette Mutoni, porte-parole du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Maintenant, venons-en au point de vue de Jean Dodier Moutawazi, qui a également participé aux négociations qui ont conduit à la signature de ces accords d'Arusha. Il dit que l'accord de paix d'Arusha a permis au pays de retrouver les rails de la démocratie après le renversement des institutions en 1993. Mais il dit que cet accord ne se suffisait pas puisqu'il a fallu aussi la signature d'un accord de cessez-le-feu. Ça va faire 19 ans que nous célébrons la signature des accords d'Arusha signés le 28 août sous la houlette d'abord de l'ancien chef de l'État tanzanien Feu Julius Nyerere et l'ancien chef de l'État sud-africain, Feu Madiba Mandela, qui ont beaucoup contribué pour que ces accords d'Arusha puissent être signés par les leaders burundais qui venaient pratiquement de connaître beaucoup d'années de guerre civile parce que avec l'acte d'assassiner le héros de la démocratie, Dada et Melchior, la démocratie a été décapitée et cela a entraîné une guerre civile. Alors, les accords d'Arusha, particulièrement dans ces 5 protocoles, nous ont permis de remettre le Burundi sur les rails de la démocratie parce que cela a pu permettre au peuple burundais d'être dirigé par ses propres élus de la base au sommet. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cet accord ne se suffisait pas du fait qu'il y avait une partie que je dirais qui a opposé des réserves lors de ces négociations? Oui, le peuple burundais devrait se souvenir que les signataires des accords d'Arusha étaient en deux groupes. Le groupe du G7 et au sein duquel moi-même j'étais présent, nous croyons à 100% dans ces accords d'Arusha et nous avons signé sans réserve. Mais en face de nous, il y avait l'UPRONA et ses alliés. Ce sont eux qui ont émis beaucoup de réserves. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que ces accords d'Arusha n'étaient pas complets parce que sur la table des négociateurs, sur la table des leaders politiques, manquaient les leaders du mouvement armée qui était dans le maquis. Alors, quand ils n'ont pas été invités. L'erreur des politiciens de l'époque, c'était de croire qu'ils n'étaient pas nécessaires. C'était une erreur. Alors, mais cette erreur a été corrigée parce que quand on a commencé à mettre en application les accords d'Arusha en 2003, et il y a eu les accords de cessez-le-feu. Si nous nous rappelons bien, les accords d'Arusha ont permis aussi de partager le pouvoir entre les principales communautés burundaises, les Hutus, les Tutsis et les Batois. C'est ainsi que, au sein des institutions qui dirigent le pays, que ce soit le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, au sein aussi des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les FDN ainsi que la police nationale, et aujourd'hui au sein même de la magistrature, on remarque que les principales communautés burundaises se partagent le pouvoir et participent ensemble à la prise de décision. Jean Dodieu Moutabazi, un des participants aux négociations ayant conduit à l'accord d'Arusha, il était au micro d'Aubin Niyonkuru. 19 ans, jour pour jour, je vous le disais, après la signature des accords pour la paix et la réconciliation au Burundi, l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, estime que ces accords ont apporté des solutions aux questions d'exclusion régionale et ethnique. Signataire de ce document historique, Sylvestre Ntibantunganya témoigne. Il est au micro de Mary Charles Niyonkuru. Des fois, quand on entend des commentaires qui se font sur l'accord d'Arusha, il y en a qui donneraient l'impression de penser que ce sont des accords qui sont tombés du ciel. Non, ce sont des accords qui sont liés au passé de ce pays. Un passé très dur, un passé très sombre. Et vous savez qu'au fur des temps, il y a des tentatives qui ont été menées pour faire face à la problématique de la paix ici au Burundi, notamment à travers la dimension de la question de l'unité nationale. Les opinions politiques organisées à travers, bien sûr, les partis politiques, mais également les mouvements politiques armés, se rencontrent et négocient ensemble. Et vous savez ce qui s'est passé après? Il y a eu le coup d'État du 25 juillet 1996. Aujourd'hui, alors, 19 ans après ces accords d'Arusha, vous, en tant que signataire, parmi ceux qui étaient là-bas, est-ce qu'aujourd'hui vous vous réjouissez du pas déjà franchi du à ces accords? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? L'accord d'Arusha a beaucoup contribué dans la stabilisation de ce pays. D'abord, en mettant des valeurs de responsabilité, les acteurs politiques burundais, je vous l'ai dit, qui agissaient à travers les partis politiques. Et l'accord d'Arusha a permis également qu'on puisse penser à la mise en place, et je passe très, très rapidement en revue, des mécanismes pour la justice transitionnelle, et ce qui a abouti, après multiples hésitations, bien sûr, à la mise en place de l'actuelle commission Vérité et Réconciliation, laquelle, j'espère, va nous servir bientôt, justement, la vérité attendue sur ce passé douloureux que le Burundi a vécu. Il y a pas mal de choses, donc, l'accord d'Arusha a débloqué, à mon avis, le Burundi et peut avoir aidé à l'émergence de ce Burundi nouveau dont nous avons besoin. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le processus d'importation d'un appareil qui va réguler le dosage dans la prise d'un médicament traditionnel a déjà commencé, comme l'indique le ministre de la Santé publique. Tadende Kumana reconnaît l'existence des médicaments traditionnels qui peuvent traiter certaines maladies. C'était ce mardi à l'Assemblée nationale lors des questions orales. Les détails avec Vestine Routoy. Savoir s'il existe des médicaments traditionnels qui traitent des maladies est l'une des questions adressées au ministre de la Santé publique. Nous avons entendu des traduits praticiens parler de l'existence de médicaments traditionnels capables de traiter certaines maladies chroniques, entre autres le diabète, cancer et autres. Serait-ce une réalité? À cette question, le dit ministre affirme qu'il y a des médicaments traditionnels appropriés à certaines maladies. Je suis convaincu que ces médicaments importés proviennent des plantes, sauf qu'on y ajoute des produits synthétiques. Donc, celui ou celle qui ose dire que Igichunchu, Imbatura et Umurinzi ne servent à rien serait loin de la réalité, parce que même avant l'arrivée des colonisateurs, nos ancêtres se faisaient soigner. Tadende Kumana ajoute qu'ils ont déjà commencé le processus d'importation des matériels de laboratoire qui va réguler le dosage à prendre quand il s'agit d'un médicament traditionnel. Normalement, dans d'autres pays comme le Bénin, il y a un laboratoire qui examine ces médicaments traditionnels et nous aussi avons mis en place un tel laboratoire à l'INSP avec du matériel nécessaire, même s'il nous reste encore un appareil qui sera identifié, le principe actif se trouvant dans le médicament traditionnel afin d'éviter le surdosage ou la faible dose dans la prise de son médicament. Concernant les inquiétudes soulevées par des députés à propos de la déconsidération des tradis praticiens, ce qui cause que ces derniers travaillent en clandestinité, le ministre de la Santé publique fait savoir qu'ils sont en train d'aider ces tradis praticiens à ouvrir des pharmacies des médicaments traditionnels. Nous allons les guider dans le processus de la mise en place des pharmacies des médicaments traditionnels dans le but d'éviter le commerce ambulant exercé par certains tradis praticiens, et ce sont eux-mêmes qui vont identifier les tradis praticiens de ceux qui ne le sont pas grâce à leur conseil d'administration qui est déjà en place. Nous sommes en train de voir comment régler cette affaire pour le bien-être de la société. Tadendi Kouman a signalé que son ministère va bientôt mettre en place le département de la médecine traditionnelle et celui de l'alimentation naturelle. C'était ce mardi lors des questions orales. Vestine Nebuto, et justement lors de ces questions orales, ces députés ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la question de l'hygiène, expliquant que l'insalubrité qui s'observe surtout dans les zones urbaines provoque la recrudescence des maladies des mains sales comme le choléra. Ils demandent la mise en place de la brigade spéciale d'hygiène, une question reconnue par le ministre Tadendi Kumana. Il dit qu'elle fait aussi partie de ses préoccupations. Reportage, Elini Bel Nibigira. Ces élus du peuple donnent l'exemple du manque de toilettes publiques où se rencontrent plusieurs personnes et cela fait que certains se soulagent sur les routes ou jettent des déchets n'importe où par manque de poubelles publiques ou par mauvaise intention. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale trouve que la question de l'hygiène reste préoccupante. Le député Agaton Rwasa demande la mise en place de la police chargée d'hygiène. La question d'hygiène au Burundi est préoccupante. Il y a certes à éviter, mais cela nécessite les efforts de la santé et d'autres ministères. Pour travailler en synergie afin de trouver solution à cette question. Au centre-ville de Nairobi, il n'y a pas de déchets. Il y a des agents de la police appelés police Laoujiji. Elle surveille tout contrevenant à ces mesures d'hygiène. Le président de l'Assemblée nationale se demande le travail des services chargés d'hygiène. Le député Pascal Nyabenda dit lui aussi que les places publiques sont privées de toilettes publiques. Il y a des employés que vous rémunérez, car parfois on se demande s'ils existent encore. De quels services dépendent-ils au sein de votre ministère? Ce service d'hygiène s'étend même dans les communes. Ici en ville, il y a beaucoup de personnes, de conducteurs de tricycles, de motos, de vélos. Ils passent toute la journée sur les parkings, mais sans lieu d'aisance. Ou alors se soulagent-ils? Sur cette question, le ministre de la Santé trouve qu'elle est préoccupante. Docteur Tadendi Kumana suggère que c'est un service qu'il faut réviser. La question d'hygiène doit vraiment trouver solution pour protéger la population. Vous avez évoqué les agents chargés d'hygiène. Ils existent mais ne suffisent pas. Nous avons trouvé que c'est un service à réviser. Au sein de la police, il y a les chargés de l'hygiène, comme à Nairobi. Lorsque tu jettes un sachet à travers la portière, on t'attrape. Mais l'essentiel est de sensibiliser la population. Ce ministre rappelle que 235 personnes ont attrapé le choléra, la majorité provenant de la mairie de Bujumbura. Elini Bel Nibigira, je vous l'avais dit, un incendie s'est produit ce matin dans les enceintes de la compagnie de gérance de coton, Cogerco. Le directeur général de cette entreprise fait savoir que cet incendie n'a pas causé beaucoup de dégâts du fait que la police de la protection civile est rapidement intervenue. Dans le but de lutter contre ce genre d'incendie, Gustave Majambere compte solliciter l'appui de la police pour dispenser une formation élémentaire aux employés de l'entreprise, pouvant leur permettre de limiter les dégâts en cas d'incendie en attendant l'intervention des sapeurs-pompiers. Les détails avec Naomi Mireille Nitegeka. Cet incendie s'est produit aux environs de 8h du matin dans la compagnie de gérance de coton Cogerco. Calix Tenzobonima, un des employés de Cogerco, indiquait que ce genre d'incendie se produit souvent dans cette société, surtout dans la période de la récolte des cotons. Aujourd'hui matin, quand on a démarré les machines, il y a une flamme qui survient de temps en temps lorsque les machines tournent, qu'il y a certains frottements entre les pièces des machines et le coton. À ce moment-là, il y a quelques étincelles et de temps en temps, il y a le feu. Et on parvient généralement à éteindre. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y avait un tas de coton dans l'usine et quelques flammes, des flammes même, du feu, a pu atteindre ce coton et il a pris feu. Et heureusement que nous avons appelé la police, qu'elle a intervenu très rapidement et la situation a été bien maîtrisée. Dans le but de lutter contre ce genre d'incendie, Gustave Majambele, directeur général de la Cogerco, indique qu'il compte collaborer avec la police de la protection civile afin d'éviter d'énormes dégâts. On compte renforcer le parc des extincteurs, mais aussi l'installation des robinets tout près de l'usine. On compte aussi en collaboration avec la police de la protection civile, faire des formations à l'endroit des personnels. parce que ce sont des choses inévitables qui peuvent survenir d'un moment à l'autre. Mais une fois formés, ils pourront vite maîtriser le fait quand c'est arrivé. Vous saurez qu'au cours de ce mois d'août, il y a eu des incendies dans la Barre Kenya, Nganda Relax Plus et Mubandi. Mireille Naomi Litegeka, puisque nous parlons de la COGERCO, sachez que les cotoculteurs de la province de Cibitoke déplorent le retard de la campagne d'achat du coton, alors qu'avant cette campagne avait débuté au mois d'août. Ils demandent à la COGERCO de commencer cette activité afin qu'ils puissent avoir de l'argent pour acheter du matériel scolaire pour leurs enfants. Le responsable de la COGERCO en province de Cibitoke demande à ses cotoculteurs de se retenir, rassurant que bientôt la campagne va démarrer. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que ça fait exactement 19 ans que le Burundi les Burundais ont scellé la paix, la réconciliation à travers la signature d'un accord à Arusha, en Tanzanie. Vous avez suivi le témoignage d'un témoin privilégié de cet événement, l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, qui estime que ces accords ont apporté des solutions aux questions d'exclusion régionale et ethnique. Et le gouverneur Ngozi donne un délai d'une semaine à ses subalternes pour assainir la situation politique dans les entités administratives sous leur autorité. Un incendie s'est produit ce matin dans la compagnie de gérance de coton, COGERCO, sans faire trop de dégâts. Et les députés ont exprimé leur vive préoccupation à la question de salubrité dans les zones urbaines. Ils l'ont dit au ministre de la Santé lors de questions orales hier à l'Assemblée nationale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Placide Niyomongere qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par Dorine Ouimana. Au micro Jean Bosco Ouimana, nous souhaitons de passer un très bon après-midi.